Si on n'était pas là, t'aurais pas l'électricité. Tu serais en train de chier dans ton front de cette pluie. Tu jouerais ta maman à la lueur de la bougie. Ta soeur la trop obèse pourrait pas se prendre dans cette vie. Sale putain, me lance mes couilles. T'as l'envie, je le lance mes couilles. Quand ta putain de mère elle meuille, c'est Jacob qui chope la ch'touille. Je me traînerai le maréchal Pétain. Ah, le maréchal. civilisation, les Européens, les étions encore dans les grottes. Aristote, les mathématiques, l'astronomie. Rajoute du charbon dans le crématoire. Dans le crématoire. Rajoute du charbon dans le crématoire. Dans le crématoire. Dans le crématoire. Les Arabes, faut tous les brûler. Faut tous les cramer dans la cheminée. Oh oui, oui, oui, passe la journée à nous embêter. Il faut tous les cramer. C'est gros PD. Oh les Arabes, il faut tous les cramer. Les Arabes dans le crématoire. Les Arabes, les Arabes. Faut les cramer, les cramer. Oh les Arabes, les Arabes. Oh il faut les brûler. Oh les Arabes, les Arabes. Il faut tous les cramer. Il faut tous. Il faut tous les cramer. Rajoute du charbon dans le crématoire pour brûler les Arabes. Rajoute du charbon dans le crématoire pour brûler les Arabes. Y'a plus assez de charbon dans le crématoire pour brûler les Arabes, pour brûler les Arabes. Alors rajoute du charbon dans le crématoire pour brûler les Arabes dans le crématoire. Oh oui, oui, oui. Il faut mettre tous les Arabes dans le crématoire. Les Arabes, faut tous les brûler. Ils passent leur journée à nous embêter. Ils volent notre travail, en plus ils travaillent pas. Il faut vraiment, oh oui, oui, oui, oui, les brûler dans le crématoire. Dans le crématoire. Dans le crématoire. Dans le crématoire, oh oui, oui, oui, oui. Rajoute du charbon dans le crématoire. Rajoute du charbon dans le crématoire. Dans le crématoire. Rajoute du charbon, rajoute du charbon. Dans le crématoire. Rajoute du charbon dans le crématoire. Pour brûler les Arabes. Pour brûler les Arabes. Les Arabes. Les sales bougnous. Les Arabes. Oh oui. Et planter des potirons. Super train de Macaque, direction Auschwitz-Birkenau. Sale bougnou l'express 999. Tu transportes des melons, réduction de famille nombreuse. Devenir un arabe n'a jamais fait rêver. Pour avoir des bananes, les nègres sont prêts à tout. À n'importe quel prix, n'importe quelle solution. Même s'il faut juifler, ils sont devenus nioules. L'express 999. Tu déportes des beurres à 88 km/h. Sale bougnou l'express 999. Faut mes têtes de toutes les races, tu mets notre âme en fer. Train de tous les blédards en forme putenaire. Dans la nuit brouillard, ça sent le barbecue. C'est pas parce qu'après moi y'aura plus de bougnoules nulle part qu'on ne peut pas en garder deux trois pour le ménage. Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, Pepen, Pepen, Pepen. C'est la belle nuit de cristal, tu vas te faire la malle. Les yeux levés vers le pen, tout le monde crie c'est Heil. Si tu veux pas retourner chez toi, t'auras des vacances à Treblinka. Petit arabe tout nègre, quand tu descendras du train avec tes amis par milliers, n'oublie pas de te faire tatouer. Mais avant de se doucher, il faudra bien travailler. Dans le four, tu n'auras pas très froid. C'est un peu à cause de la pizza. Il me tarde tant que tu crèves, gros naze. T'as jamais été un cadeau. Le Père Noël, c'est comme les chambres à gaz. Tout le monde sait qu'il n'existe pas. Petit arabe tout juif, quand on t'arrachera le bif, tu ne te souviendras même pas à quel point tu sens le caca. Et avant de brûler pour ta dernière volonté, tu auras le droit de manger le dernier tacos du condamné. Petit arabe tout neuf. Les halogènes ont envahi notre si beau pays. Nos traditions sont bafouées et nos femmes se font violer. Les collabos aux ordres de Sion nous mentent à la télévision. Qu'est devenue notre nation? On peut plus manger du saucisson. Charles Mattel, réveille-toi, tes enfants ont besoin de toi. Pour dégager ces putains de rats, pour mener la reconquista. Les halogènes ont envahi notre si beau pays. Nos traditions sont bafouées et nos femmes se font violer. Les collabos aux ordres de Sion nous mentent à la télévision. Qu'est devenue notre nation? On peut plus manger du saucisson. Charles Mattel, réveille-toi, tes enfants ont besoin de toi. Pour dégager ces putains de rats, pour mener la reconquista. J'ai plaqué Mourad comme une putain nègre. Mon copain l'arabe, mon alter bico. Il est rentré une fois un peu plus tôt que d'habitude. J'étais avec Boubacar, il m'a traité de sale pute. J'ai maintenant des blessures, des points de suture. Il avait la haine, ce bougre d'halogène. Hélas, un gros ton comme moi n'intéresse pas les François. Autant donc bouffer des droites et un tas de cocards. Auprès de mon arabe, je vivais heureuse. Je me ramassais souvent des uppercuts. Auprès de mon arabe, je vivais heureuse. Même s'il aurait pu m'arracher les yeux. Je suis une baleine et quand je m'assois, je casse toutes les chaises en bois. Mourad lui il aimait ça, les taches de vache en surpoids. Et ma foi je ne sais pourquoi, ça lui rappelait peut-être sa mère. Je lui ferai plus de pipe à ce sale métèque. J'en peux plus de ces types qui vont à la Mecque. Mais une tendresse subsiste pour ce viril Jésus-Christ, multipliant à lui tout seul les pains dans ma gueule. Auprès de mon arabe, je vivais heureuse. Il me faisait souvent le coup de la corde à linge. Auprès de mon arabe, je vivais heureuse. Parce que personne d'autre veut qu'elle une pouilleuse. Le surnom de macaque lui va comme un gant. D'avec Mourad, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de sentir tout le temps ses phalanges au milieu de la figure. Je bats le terre-terre pour dénicher un nouveau cadère, un bougnoul en chien. qui bien sûr me ferait pas tous les coups de Mortal Kombat, juste ceux de Street Fighter 2, ça me conviendra. Auprès de mon arabe, je vivais heureuse. Quand il me dérouillait, il avait la trique. Auprès de mon arabe, je vivais heureuse. J'aurais vraiment dû me voiler, bon Dieu. Hélas, personne d'autre ne voulut me touiller. Même pour un boucaque, je suis un plan B. Je me doutais bien qu'un jour je me retrouverais sans bougnoule fixe à m'éloigner de mon mourad, de ce putain d'arabe de merde revenu au sérail. Il se peut fortement que mourad m'assaille comme au bon vieux temps. Mais au moins c'est bien pratique et plus rapide qu'à la clinique de se manger 50 coups de latte pour se faire avorter. Auprès de mon arabe, je vivais heureuse. Il m'a porté le couscous à l'hôpital. Auprès de mon arabe, je vivais heureuse. Faut croire que j'aime ça me faire dérouiller.